et sur la route dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Je m'enfuis, c'est ma vie. Je m'enfuis, c'est ma vie. Au-delà de toutes les frontières. Marche trop et tous les vents, et tous les vents. Le jour repose son sac de plus en plus loin, de plus en plus loin. De Paris à Istanbul, sur la route, à l'autre bout. Thank you.